La Bible David Martin 1855. Le livre d'Agje le prophète. Agje chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par le moyen d'Agje le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Judée, et à Jehozua, fils de Jéhotsada, grand sacrificateur, en disant. Ainsi a parlé l'Éternel des armées, en disant, ce peuple-ci a dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel, a été adressée par le moyen d'Agje le prophète, en disant, est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, pendant que cette maison demeure désolée? Maintenant donc, ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement votre conduite. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez peu serré, vous avez mangé, mais non pas jusqu'à être rassasié, vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment, vous avez été vêtu, mais non pas jusqu'à en être échauffé, et celui qui se loue pour mettre son salaire dans un sac percé. Ainsi a dit l'Éternel des armées, pesez bien votre conduite. Montez à la montagne, apportez du bois, et bâtissez cette maison, et j'y prendrai mon plaisir, et je serai glorifié, a dit l'Éternel. On regardait à beaucoup, et voici, tout est revenu à peu, et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? À cause de ma maison, dit l'Éternel des armées, laquelle demeure désolée, pendant que vous courez chacun à sa maison. À cause de cela les cieux se sont fermés sur vous, pour ne point donner la rosée, et la terre a retenu son rapport. Et j'ai appelé la sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le froment, et sur le mou, et sur l'huile, et sur tout ce que la terre produit, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel donc, fils de Salatiel, et Jéhozua, fils de Jéhotsada, grand sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agje le prophète, ainsi que l'Éternel, leur Dieu, l'avait envoyé, et le peuple eut peur de la présence de l'Éternel. Et Agje, ambassadeur de l'Éternel, parla au peuple, suivant l'ambassade de l'Éternel, en disant, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel excita l'esprit de Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Jéhozua, fils de Jéhotsada, grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple, et ils vinrent, et travaillèrent à la maison de l'Éternel, leur Dieu. Le 24e jour du sixième mois de la seconde année du roi Darius.